بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Pour les bienfaits reçus par Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Pour les bienfaits de leur voyage d'hiver et d'été. فليعبدوا رب هذا البيت. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Qu'il les a nourris au mépris de la faim et les a rassurés en dépit de la peur.